Pas le temps de t'acharner sur ton sort, façon pour n'importe quelle situation, t'auras toujours tort. La justice a ses raisons que la raison ignore. Pas le temps de fermer sa gueule devant les petits dehors. Fais gaffe, ils sont jamais seuls pour percer ton coffre fort. Je te mets KO avec tes mots, la vie c'est KO. Tic, clic, clic sur ces sales flics. Pas le temps de bavarder sous ton bloc, que déjà les stars te mettent les menottes devant tes potes. Pas le temps de voir que la vie est chaotique et de voir ce que les hommes seraient prêts à faire pour le sale fric. De toute façon, après t'avoir monté au sommet, ils te jettent au pied du mur comme une drogue dure. C'est dur de revenir après avoir galéré dans la hure. Pas le temps de limiter à chercher un boulot, frérot. Toi-même, tu sais qu'ils ont pas de boulot pour les négros. Ta seule issue possible, c'est de vendre du bédo sans faire pécho. Pas le temps de te maquiller avec une chienne, toujours en chien ton oseille qui pompe pour me te pomper, qui baisse pour me te baiser. On m'a dit un jour que l'amour rend aveugle, mais c'est faux car avec plus d'orgueil, on arrive à ses fins. Pas le temps de raconter des mythos à tes potos, de les carottes sans reproche, de leur fermer la porte car tu risquerais d'être abattu. Allongé sur le sol, ton heure sera venue. Façon t'es foutu, pas le temps de continuer comme à l'accoutumée. Vito va vous allumer avec des textes purs et durs. Vas-y cousin, fais leur comprendre le délire. Pas le temps de rester sous les halls, fini les bastons avec les battes de baseball. Faut changer de rôle, pas le temps de repousser les choses au lendemain. La vie n'est pas toujours drôle, pas toujours rose, la mienne est morose. Pas le temps pour attendre son genre. Je pense à Rick, c'est à Jinma qui doivent avoir la rage. Dès qu'ils vont choper tête d'œuf, il va se prendre une sanction et ça sera pas du bluff. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Je parle de ces putains de port, écoutez ces lyrics hardcore. Pas le temps, si ici pour les embrouilles, y'a deux balles quand je me déplace. T'as intérêt d'avoir sur toi ton gilet pare-balles et sors ton masque à gaz si tu veux pas que je te gaze. Je suis un vrai kamikaze, qu'athlète, VYDO, retiens bien mon blaze.